بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ Donc là, l'auteur, il demande que signifie le hadith dans lequel on pourrait croire que Allah Azzawajal n'a qu'à 99 noms. إن لله تسعة وتسعين نفسا من حفظها وأحصاها دخل الجنة. Que Allah Azzawajal, il y a 99 noms à Allah, celui qui les mémorise et les retient, et les dénombre, entrera au paradis. Awalan, Asoul Hindak, toi la question. Allah Azzawajal, il a 99 noms. Écoute bien la question. Est-ce que Allah Azzawajal a 99 noms? Okay, réponds de ce que tu as compris la question. Oui. Et toi? Oui. Oui. Et toi? Non. Non. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il nous a donné que ce qu'on devait savoir. Non, ça répond pas à la question. Mais non, pas. J'ai dit non. On a 100. 100? 99, c'est tout ça. T'as donné la réponse la plus lointaine, toi. On ne sait pas. On ne sait pas? Ah si, c'est clair. Non, on ne sait pas. Il l'a dit, non? C'est-à-dire? Non, il n'y a pas un hadith qui dit. Mais... Je viens de le hadith. Le hadith, je viens de le réciter. Inna lillahi tisatan wa tisnafsan man hafizaha wa ahsaha dakhal al-jannah. Que Allah Azza wa Jal, il y a 99 noms, celui qui le retient, les mémorise, et les comprend, et les dénombre, entre au jannah, au paradis. Ahmed? Non, mais il en a plus encore. Voilà, donc en fait, tu avais raison. Il y en a bien 99, mais il n'en a pas que 99. En fait, donc la question, je vais tourner d'une façon pour voir si tu allais réfléchir. Si tu m'aurais dit non, je t'aurais dit, ah, comme, qui c'est qui a dit non? C'est toi qui a dit non. Hein? Bah donc, Blues dit qu'il y a 99 dedans. Ça? T'arrives. Donc en fait, il y en a 99. Le hadith dit que parmi ces noms, il y en a 99, celui qui les retient et mémorise entre au jannah. Ça peut dire qu'il n'a que 99 noms. Quand même, le hadith ne dit pas que Allah n'a que 99 noms à retenir. Mais parmi ces noms, il y en a 99. Quand même. Et dans Al-Mabadi Mufida, on avait pris à la fin du livre, avec des hadiths, qu'il y en a plus. Quand on lit dans le Coran, dans la Sunna, on voit qu'il y en a plus. Il y a des noms dans l'Azhar qu'on ne connaît pas. Comme dans le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, je te demande, oh Allah, par tout nom que tu nous as enseigné, que tu as mis dans ton livre, que tu as enseigné à quiconque dans ta création, ou que tu as gardé auprès de toi, dans le sens de l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a des noms dans la religion, on ne les connaît pas. D'accord? Les noms, on les connaît, qui nous ont été donnés dans les textes authentiques, et ceux-là ont été dénombrés par les ulama à plus que 99. Donc les gens qui limitent ce nombre à 99, le hadith, il n'a pas été bien assimilé. Et ça, c'est quoi le plus authentique? Il y a aussi le hadith Shafa'a. Quand Nabi Sarasem, il va demander Shafa'a pour Mounoun. Naam. Il va l'invoquer par d'autres noms qui n'avaient pas connaissance. Mahamid, naam. Là, c'est plus que des noms, c'est des louanges, en fait, et des éloges. Ouais, ouais. Et là, ça va contenir des noms, et même des afkar ou autres, que personne n'a jamais su auparavant, ça. Et là, Jumlat al-Adillah. Taïb. Donc maintenant, l'auteur, il dit, qu'est-ce que ce hadith, il veut dire? Yaqul, kod fussira zalika bima'ani, minha hifzuha, wa du'a'ullah biha, wa thana alayhi bi jami'iha. Donc ce hadith a été expliqué de différentes façons. Parmi elles, le fait de mémoriser ses noms, d'invoquer Allah Azzawajal avec et de faire son éloge avec. وَمِنْهَا أَنَّمَا كَانَ يُصَوَّرْ الْإِقْتِدَى بِهِ كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. Et parmi ces noms, on avait dit que chaque nom renferme un attribut, au minimum. D'accord ? Donc là, l'auteur a dit que chaque nom d'Allah Azzawajal qui contient un attribut que l'on peut trouver chez la créature d'un terme similaire, que la créature s'empare. Ça veut dire, elle se pare de cet attribut. Par exemple, Allah Azzawajal, min asma'ihi al-karim, que Allah, il est karim, noble, généreux. Donc, l'attribut de la générosité, al-karam, Allah Azzawajal, il a. Et ce karam, on le trouve chez l'être humain également. Donc, l'être humain doit faire en sorte d'être karim, à son niveau à lui. Kazalik, ar-rahma. Allah, il est rahim, la miséricorde. L'être humain également, il a la miséricorde. Il doit en faire preuve le plus possible. Wa kaza, tout ce qu'il y a chez Allah Azzawajal. Bien sûr, ce n'est pas comme nous, mais qu'on trouve chez la créature à son échelle, d'accord, parmi les attributs qui sont qui renferment un bien pour la créature, alors il doit s'emparer. Je parle de parer, parure, d'accord, pas en parer M-P-A-E-R. Vous voyez, parer de P-A-E-R. Naam. Et il y a d'autres attributs d'Allah Azzawajal qui, chez la créature, seraient mauvais. Mais chez Allah Azzawajal, ils sont bons. Mathalan, man yu'tina mathalan, qui donne un exemple ? L'orgueil. Allah Azzawajal mutakabbir, il est orgueilleux. Pourquoi pour Allah c'est bon, pour nous c'est pas bon ? Naam. Parce que c'est notre créateur et il est unique. Naam, mais t'as pas clarifié. Ce que tu dis, c'est vrai. Parce que bah, quand on prenait des idoles, on prenait, enfin, quand les gens prenaient des idoles, ils prenaient des gens, ils prenaient pour idoles des statues qui mettaient au même niveau que Allah Azzawajal, or qu'il est le seul créateur. Alors, c'est mérite. C'est le seul créateur et. Voilà. Ça répond pas à la question. Naam. Parce qu'Allah, il est au-dessus de tout. Exactement. Voilà. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est hautain. Il se croit meilleur que les autres. Alors qu'il ne l'est pas. C'est une caractéristique de Shaitan aussi, l'orgueil, non ? Oui, mais c'est celle de la créature. C'est bon. Comme nous, en fait. Donc chez la créature, c'est mauvais. Mais Allah Azzawajal, il est au-dessus de tout. Quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui se croit au-dessus de la vérité. La vérité, qui c'est qu'il a créé ? Donc il est au-dessus de la vérité. Donc chez lui, c'est un éloge, un attribut de perfection. Allah, il mérite d'être hautain. D'accord ? Mais pour nous, non. Nous, ne sommes que des créatures, on est faibles. Et Shaitan, comme la créature, comme une créature. Voyez ? Kazalik. Min asma'ihi al-jabbar. Al-jabbar est celui qui contraint. Un jabbar chez un homme, on appellera ça un tyran. Quelqu'un qui force les gens, qui leur fait. Et Allah Azzawajal, min asma'ihi al-jabbar, dans quel sens ? Que rien ne peut s'opposer à lui. Il ne force pas à faire les choses. D'accord ? Mais quand il fait un décret, personne ne peut s'y opposer. Et ça, chez un être humain, quelqu'un qui décide d'une chose et qui refuse qu'on s'y oppose, on va l'appeler Jabbar. Après, ça peut être dans le bien, ça peut être dans le mal. Il peut décréter une chose qui est bien, et il veut que les gens l'appliquent, et les gens ne vont pas forcément obéir. Mais Allah Azzawajal, quand il fait une chose dans ses lois universelles, on ne peut pas aller à l'encontre. Par exemple, Allah Azzawajal, il a décidé que l'être humain ne peut pas respirer sous l'eau. Mathalan, qui c'est qui va aller à l'encontre de ça ? Quelqu'un peut y arriver parmi les hommes ? S'il essaye, il va mourir. Tout simplement. Donc il a fait des lois. Et dans le Qadr, qu'Allah a décrété d'une chose qui doit arriver, nul ne pourra l'empêcher. Car Allah a décrété que, par exemple, ce soir, tu vas mourir. C'est ça ton Qadr, ton destin. Nul ne pourra s'y opposer. Impossible. Quelqu'un, par exemple, une femme, elle est enceinte, et elle dit, ah, je veux une fille. Allah, il veut que tu aies deux jumeaux. Tu n'auras que des jumeaux. Tu n'auras rien d'autre. Tu seras contraint à avoir des jumeaux, et tu n'auras pas le choix. Même tome, Tafihak Allah Azzawajal, c'est un attribut de perfection. Chez nous, non. D'accord ? Et il y a des attributs comme ça. Et d'autres chez nous, qui sont une perfection, mais s'ils étaient chez Allah Azzawajal, ce serait une faiblesse pour lui. Man yu'tina mathalan, qui donne un exemple ? Un attribut chez l'homme, c'est de la perfection. Sans ça, l'homme, il serait anormal. Mais chez Allah Azzawajal, ce sera un défaut. Le regret. Hmm? Non, j'ai pas le regret. Pour formuler ta question. Un attribut chez l'homme, ouais, qui en réalité, chez lui, est une marque de perfection pour l'homme, d'accord, à son niveau, à son échelle. Et si jamais cet attribut était trouvé chez Allah Azzawajal, ça aurait été un manque. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'Allah Azzawajal ait ça en lui. La mortalité, par exemple, ça rentre pas dedans. La mortalité ? Généralement, un homme qui est mort, ben, il est mort. Une chose dont l'homme, il a besoin. Sans ça, ça va pas. Manger. Un homme qui ne mange pas, qu'est-ce qui lui arrive ? Il a besoin de manger. Donc, parmi les autres versions chez l'homme, c'est qu'il mange. Qu'il dorme. Quelqu'un qui ne dort pas assez, qu'est-ce qui lui arrive ? Voilà. Mais si Allah Azzawajal dormait, qu'est-ce qui se passerait ? Exactement. Il ne pourrait pas tout contrôler. Et ça parlerait de justement de cette grandeur que les gens lui donnent. Alors là, il ne dort pas. Il a besoin. Il a besoin de dormir. Tous les besoins qui font que l'être humain, tu vois, il tienne en vie. Toutes ces choses-là, l'homme, il en a besoin. D'accord ? Si demain, quelqu'un te dit, moi, je dors jamais, les gens vont dire, t'es pas normal, toi. Tu vois ? Et au bout d'un moment, Firlan, la personne, il arrivera quelque chose. Il tombera un jour dans les, comme ça, il va s'écrouler par terre ou il va y avoir des maladies. Même une personne qui dort pas assez, il dit, t'es insomniaque. C'est considéré comme étant une maladie. C'est une chose qui est, c'est une anomalie chez l'homme. Donc il y a plein de choses comme ça. Chez Allah Azzawajal, c'est une perfection. Chez nous, ce serait un défaut. Et des choses, chez nous, c'est une perfection. Chez Allah, ce serait un défaut. Il y a des choses, elles sont similaires, sauf que chez nous, ce n'est pas comme chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, la générosité. Allah, il est généreux. D'accord ? Mais la nôtre, on est généreux aussi. Du moins, on peut l'être. La générosité à nous, elle est limitée. C'est pas comme celle d'Allah Azzawajal qui peut tout donner. Et qui nous a déjà donné tout ce qu'il nous fallait, après c'est nous qui n'avons pas su réaliser ni nous remercier. Un matin tu vas donner, un moment tu vas t'arrêter. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est généreux, un mendiant vient le voir un jour, il dit donne-moi. Tu lui donnes. Il y a un lendemain, donne-moi. Tu lui donnes. Troisième jour, pff, tu vois. Allah, il veut qu'on lui demande tout le temps. Et celui qui ne demande pas, Allah, il n'aime pas ça. Il veut qu'on lui demande. Vous voyez ? Et il a dit que, Ya Ibadi, لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعد واحد فسألني كل واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. Il a dit, oh vous les hommes et les djinns, si vous étiez tous réunis du premier homme au dernier homme, du premier djinn au dernier djinn, sur le même emplacement, et que chacun me demande ce qu'il a demandé, je donnerai à chacun ce qu'il m'a demandé. Imaginez-vous ce qu'on peut demander alors. Il dit, cela ne réduira rien mon royaume. Qu'est-ce que l'aiguille, lorsqu'elle sort de l'eau, qu'est-ce qu'elle retire ? Ben voilà, c'est pareil. Il dit, si vous étiez tous réunis là, hommes et djinns, du premier djinn, du premier homme à Adam, au premier djinn, qui devait sûrement être Iblis, jusqu'au dernier, qui n'est pas encore arrivé. Tout le monde me demande tout ce qu'il veut. Je donne, ça ne va rien me retirer. Allah ou le Rani, parmi ses noms, le Rani, le riche. Une richesse qui, pour nous, qui est inimaginable. Vous voyez ? Donc Allah Azzawajal, il est généreux. Et il veut qu'on lui demande. Et il veut nous donner. Mais nous, on est généreux, mais limités. Au bout d'un moment, ça nous saoule. T'as vu ? C'est comme ça l'être humain. T'as vu ? Donc, là, le shahid, c'est qu'on doit se parer des attributs d'Allah Azzawajal qu'on trouve chez nous, à notre échelle, bien sûr, car ils sont incomparables. Donc ça, c'est dans le hadith. Il y a كذلك يقول وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع ورغبة. Également, tous ces noms d'Allah Azzawajal qui enferment un sens de promesse. Comme par exemple, le pardonneur, ou le reconnaissant, le clément, l'indulgent, également le généreux, et ainsi de suite, qu'au moment où Allah Azzawajal on a besoin, on l'invoque par ces noms-là. On invoque Allah Azzawajal par le nom qui correspond à la demande qu'on veut. D'accord ? Tu veux qu'Allah te pardonne ? D'accord ? Tu veux l'appeler par Ar-Rahman. Alors, tu veux qu'il te pardonne par les noms qui sont liés à cet acte-là. Voyez ? Et il dit « وَمَا كَانَ فِي مَعْنَا الْوَعِيدِ كَالْعَزِيزِ ذِي الْإِنْتِقَامِ شَدِيدِ الْعِقَابِ صَرِيعِ الْحِسَابِ فَلْيَقِفْ مِنُوا عِنْدَ الْخَشِيَ وَالرَّهْبَ » Et quant à ces noms qui, eux, enferment un sens de menace, alors justement, dans le moment où on a peur ou qu'on pourrait être amené à faire du mal, on doit s'en rappeler. Au moment où tu vas faire un péché, rappelle-toi qu'Allah est dur en punition également. Donc ça va faire quoi ? Tu vas t'arrêter. D'accord ? Ça va t'arrêter automatiquement. Et tu sais que Kazalik, Allah, il voit. Nasmahi Raqib, celui qui observe tout. Donc quand tu entends cela, tu penses à ce nom-là, tu t'arrêtes. Tu sais qu'Allah, il te voit. Donc dans ce que tu fais, tu sais que tu es sous surveillance, tu le contrôles. Donc regardez bien, tous ces noms-là, le hadith, il appelle à les mémoriser. C'est pas seulement les termes dans la tête, c'est les réaliser, comprendre leur sens et savoir quand s'en rappeler. C'est pas tu viens, tu dis 99 ans, tu les sors d'un seul coup. Taïeb. Mais le jour, il faudra vraiment les réaliser. Est-ce que tu vas les retenir? Le jour, tu vas faire un péché, tu vas te rappeler qu'Allah Azawajal, Minasmahi, Shadul Iqab, qui est dû en châtiment. Est-ce que tu vas te rappeler à ce moment-là? Pas sûr. Et c'est ça qu'il faut, en fait, que l'auteur, il appelle, que tu te rappelles du nom approprié au moment approprié. C'est-à-dire que tu les as tout le temps avec toi, en fait, les noms. Naam. Et dans notre comportement également, comme il a dit au début. Les noms d'Allah Azawajal, qui ont une sifat qui est Mahmoud Hachil Insan, qui est chez lui également, dans s'en rappeler, et Kazalik agir en conséquence. Après, il donne un long calme qui est dur à... J'aurais du mal à le traduire, mais qui revient à peu près à ça. Donc, celui qui agit de la sorte, Allah Azawajal, Qad wa'adahu bil Jannah. Allah lui a promis le paradis. Qu'il y a 99 noms, tu les mémorises, tu les dénombres, et tu agis en conséquence, en les comprenant, que tu entreras au paradis. C'est-à-dire que tu les dénombres. Un, ça correspond à tel... 99. Par exemple, on dit qu'il y en a plus que 99. Toi, tu en as 99 avec lesquels tu agis comme ça. Mais c'est des noms qui sont dans l'ordre ou bien... Non, il n'y a pas d'ordre. Parmi tous ces noms, 99. Alors, 99. Comme le dit le hadith. Et chaque nom, comme on l'a dit, renferme un attribut. Obligatoirement. Et est-ce qu'on peut te retirer un nom de l'attribut? T'es sûr? Pas forcément. Je suis sûr. En fait, Allah Azzawajal, il a des noms. On te répète pour que tu connais Tel Afaïda. Et que chaque nom, en langue arabe, s'appelle l'ishtikak, on en extrait un attribut. Mathalan, on a dit Allah, parmi ses noms, Al-Aziz. Al-Aziz, ça veut dire le puissant. Et le mot qu'on en sent, c'est Al-Izza, qui veut dire la puissance. Donc Allah, parmi ses noms, tu le nommes Al-Aziz, et il est Aziz. Cet attribut, il a. Car t'as des gens, ils ont des noms, mais ce nom ne s'applique pas forcément sur eux. Nous, c'est juste un nom propre pour nous. Mais pour Allah, c'est un nom et un descriptif. Tu vois, c'est un nom, il n'est pas venu pour rien, il a quelque chose. D'accord? Donc, chaque nom renferme forcément un attribut. Dès que t'as un nom, t'as l'attribut qui va avec. Par contre, t'as des textes où t'as un attribut, mais qui n'applique pas forcément un nom. Qui donne un exemple qu'on avait donné? Par exemple, la colère. Exactement. Allah, parmi ses attributs, la colère. Mais il n'a pas le nom, elle redouble coléreux. C'est pas parmi ses noms, ça. Donc les sifat sont plus nombreuses que les noms. Dans les adillah. Dans les preuves qu'on a là, il y a plus d'attributs que de noms. Vous voyez? Car chaque nom a forcément un attribut, mais l'attribut n'a pas forcément un nom. Même Tom? Taïeb. يقول ما ضد توحيد الأسماء والصفات. Donc on avait fini par les trois branches de Tawhid, la troisième qui est le Tawhid des noms et attributs. Le premier Tawhid qu'on avait pris, première catégorie de Tawhid, c'était. Il y en a trois. Il y a Rububiyya, la seigneurie. Deuxième. Enfin, une question, Andek. Ma wa Tawhid al-Rububiyya? Ce que tu dis, c'est vrai, mais pas assez précis. Tawhid de l'Obobiya. Allah. I. Bimada. Ça, c'est Tawhid Am, ça, Ifrad Allah. Mais Tawhid de l'Obobiya. Mais c'est I. Fakat. Fakat. C'est tout. Et Ifrad Allah, Fimerta Sobim, n'est la faille. C'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre comme acte. Ce que seul Allah peut faire. Et dedans, ça rentre la création. Ça rentre le fait de donner la vie, donner la mort, contrôler la création, faire descendre la pluie, faire pousser la végétation, tout ça. D'accord? Il n'y a que Allah qui peut le faire. Donc tu le reconnais. Ouais, Kulna, en général, les gens, ça, ils y croient. Tu vas chez tous les gens sur Terre, en général, à part les athées, les gens sont en eux. Même tu vas voir les ensemble les chrétiens, ils vont dire, je sais que c'est Allah qui a tout créé. Tu vas voir les juifs, ils vont dire, je sais que c'est Allah qui a tout créé. D'accord? Donc là-dessus, ce tawhid-là, il n'y a pas trop de divergence entre l'humanité. À part certains orgueilleux qui ne veulent pas admettre, même au fond d'eux, ils l'ont. C'est inné. Tawhid al-Rububiyya, c'est inné en l'homme. Il sait que, quand un homme inné, tu ne lui dis rien, il sait qu'il est un créateur. C'est après que les gens commencent à corrompre sa croyance et l'emmener à droite à gauche. Et il se perd. Sans quoi, un homme qui naît de base, il sait qu'il est un seigneur. À qui ? Ensuite. Tawhid al-Thani, deuxième branche de Tawhid. Plus importante. Même si tu n'es pas sur ce là, tu devrais le savoir. C'est un truc que tu as dû souvent entendre. La deuxième branche de Tawhid, d'unicité. Là, on a pris la seigneurie. Le deuxième, c'est le plus important. Arsint. Tawhid al-Uluhiyya. Le Tawhid de l'adoration. Al-Ta'rif, Ahmed. Là, Ifrad man. Comme on l'a dit tout à l'heure, sauf que tu changes la fin de la phrase. Ifradullahi bil ibada. Ifradullahi, c'est unifier Allah dans l'adoration. Tayeb. Ifrad ibada lillah. C'est une phrase synonyme. C'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Et c'est ce tawhid là sur lequel il y a eu la scission entre les croyants et les autres. C'est ça qui nous différencie des autres. Le musulman, il se distingue par ce tawhid-là, il l'unifère dans l'adoration. Tout ce qu'on appelle adoration, il ne fait que pour Allah Azzawajal. Et les autres, ils vont faire ce qu'eux pensent à des adorations pour lui, et d'autres pour autrui, et d'autres choses qu'ils ne savent pas que c'est une adoration, et qu'on sait, on sait que c'est une adoration, ils vont la faire pour n'importe qui. D'accord ? L'une des plus grandes adorations, plus importantes que les croyants en islam, ils ont, que d'autres n'ont pas, c'est le tawakkul. Les croyants, ils placent leur confiance en Allah, Azzawajal. Ils savent que le résultat, c'est Allah. Il fait les causes, mais il sait que les causes n'ont pas une garantie de réussite. Si Allah veut que ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Les kuffars, eux, si la cause, elle marche pas, il y a un problème pour eux. Ils veulent un responsable, toujours. C'est ta faute, c'est toi. Non, on n'a pas voulu. Non, c'est obligé. J'ai fait ça, ça va marcher. Il dit non. C'est pour ça qu'ils ont peur de tout. C'est pour ça qu'ils sont matérialistes. Et c'est pour ça qu'ils sont, comment dirais-je, superficiels. Car ils n'ont pas de tawakkul. Ils oublient que leur résultat final, c'est Allah qui décide. Superficieux. Hmm? Superficieux. Non, superficiel. Non, non. Superstitieux. Ah, c'est dans le Rububiyya, ça. Superstitieux. Là, ça rentre dans le Rububiyya. Vous voyez ? Et ça, vous verrez voir les koufars, regardez comment ils sont dans leur vie. Tout doit être basé sur une cause obligatoirement. D'accord ? Du matin, quand ils se lèvent, c'est pour des causes. Alors que nous, le matin, quand on se lève, en premier, c'est pour Adonai Azzawajal, et on fait les causes à côté. Regardez la force qu'ils ont le matin pour aller au travail. D'accord ? Cette force-là, nous, on l'a pour Adonai Azzawajal. Ça veut dire, lui, quand l'heure du travail est bien, arriver en retard, c'est une azima, c'est une chose qui est immense. On dit, ben, pour nous, faire la salade qui sort de son temps, c'est encore plus immense pour nous. Tu vois ? La salade, je ne la fais pas dans son temps, et ben, pour moi, c'est mille fois ou mille fois pire que tu arrives en retard à ton travail. Parce que le travail, même si tu t'es viré, tu peux en avoir un autre meilleur, tu sais même pas. D'accord ? Des fois, tu n'en es pas dans le travail, ils sont comme des fous. Ils les suicident même. On dit, le travail, tu en as plein. Tu as raté celui-là, tu peux en avoir un autre. Mais la salat, quand tu l'as raté, tu l'as raté. Et tu as mis Allah Azzawajal en colère. Tu vois ? Mais être viré d'un travail, c'est pas un haram. C'est pas haram. Faire viré d'un travail, c'est pas haram. C'est pas un péché. Tu vois ? C'est attristant. C'est inquiétant, mais c'est pas haram. Sauf si c'est une chose qui est grave, par contre. T'as fait une faute grave qui, elle, est haram de base. Là, ouais. T'as volé ou je sais pas ce que t'as fait. Là, ouais. Mais c'est pas le fait d'être viré qui est une punition en soi. C'est le péché que t'auras commis. Alors que nous, la ibada, d'accord ? Ça, c'est une chose, inna salat, kanat al-mina mokouta, que la salat est à des temps définis pour le croyant. Tu vois ? Donc ça, tu passes à l'autre direct. Si tu rates la salat volontairement, tu peux pas la rattraper, c'est fini. Tu passes directement au minimum. Au minimum. Quand tu dis volontairement, simple. Délibérément. C'est-à-dire, tu pouvais la faire, c'est vrai que tu l'as pas faite. Ou tu l'as sorti de son temps sans raison valable. Mais qu'est-ce que tu appelles raison valable ? Il y a par exemple le voyage, il y a la maladie, il y a, selon l'avis de beaucoup de savants, la pluie, tu peux jouer entre deux salades. Donc, ça veut dire que dans une salle de classe, par exemple, il y a un examen continu de 4 heures, j'ai raté la salade délibérément, et volontairement du coup. Non. Parce que ça, c'est une chose qui doit passer en priorité. Même le travail. Quand t'es au travail, par exemple, t'as un truc à faire. À part quand c'est un truc qui est lié à la vie de quelqu'un, par exemple, je sais pas, t'es un chirurgien, t'es une opération. C'est un cas extrême, hein. C'est rare de voir des frères chirurgiens, voilà. Bah, à ce moment-là, il y a des fatawa qui font que tu peux te permettre de la faire avant l'heure pour être sûr que tu vas la faire. Il y a une législation pour ça. C'est-à-dire, il y a des conditions. Il y a des conditions. Là, il est permis pour lui de la faire. Parce que là, c'est un cas vital. Il y a un cas vital, tu vois. Mais le, par exemple, le travail ou l'examen, ça rentre pas dedans, ça. Non. Hein? Quand on fait le rakat surrogatoire, c'est pour rattraper celles qu'on a ratées, celles qui sont obligatoires. Les salades surrogatoires, elles serviront à combler le manque, le meurkayam. C'est quand tu es imparfait dans tes adorations obligatoires, la surrogatoire sera comme une chose qui va compenser pour toi. C'est pour ça que plus t'en fais, plus tu auras espoir de voir d'autres actes acceptés. Alors que celui qui fait que les salades obligatoires, si elles sont mal faites ou quoi, il a rien qui va compenser. Alors que celui qui fait les surrogatoires, il a, alhamdoulilah, il a quelque chose qui est amorti. Donc il y a des moments en armes, il y a des causes légiférées qui permettent de... Quand même, le voyage. Le voyage, tu peux joindre les salades entre elles. Le zor et le ras, tu le fais autour du ras. Ou le ras, tu l'avances autour du zor. Là, tu as le droit. On a un dalil qui dit que tu peux le faire. Les situations particulières. Si tu ne rentres pas dedans, tu ne peux pas. D'accord. À part dans les cas, quand c'est un cas vital. Vraiment un truc, il y va de la vie de quelqu'un ou il y va d'une chose vraiment gravissime. Non. Et en temps de guerre, pendant les batailles. Oui, ça rentre dedans, mais je voulais pas en parler. C'est le cheikh al-Albani qui était dans cet avis-là. Lequel ? Par rapport au salat. C'est-à-dire ? En gros, comme quoi, il fallait pas les rattraper. C'était pas nécessaire de les rattraper. Ah non, une fois qu'il est salat, tu l'as raté, tu l'as raté. Ouais. Sorti de son temps. Et du Allah dit, tu la rattrapes. Et on a dit, ça sert à rien que tu la rattrapes. Pourquoi ? Parce qu'elle est sortie de son temps, sans raison valable. Mais imaginons que quelqu'un n'a pas prié délibérément pendant un an. Mais dans tous les cas, il doit rattraper ses salades. Non. Ça va bientôt les salades. Non. Et ça, c'est fini. C'est passé, c'est passé. Tu ne peux pas les rattraper. Le jour de la résurrection, Allah va nous demander pourquoi on n'a pas fait des salades. Il leur fait Toba entre temps. Il leur fait Toba. Mais un an, c'est le maliki, tu dis ça. Tu vois. Non, cet avis-là, il est pas. Il est faible. La vie plus forte, c'est que la salade, tu l'as raté, tu l'as raté. Si un jour tu fais Toba et tu refais la salade, ce que tu as fait, c'est effacer. Qu'Allah te pardonne. Tu continues. Tu n'as pas rattrapé toutes les salades. Pendant les heures d'hiver, quand Saadur et Laras et Marib sont très proches, exemple, tu as une réunion où on va dire tu as un examen, si tu loupes à la fois Dor et Laras, tu peux prier Laras encore, mais Dor, c'est. Si tu l'as raté délibérément, c'est raté. Ouais, c'est bon. Il y a Shir Ben Buzz, comme vous le savez, Alhamdoulilah Ta'ala, lui dit que celui qui sonne ça délibérément de son temps, il voit qu'il sort de l'islam. Il a donné l'exemple que quelqu'un qui met le matin son réveil, il le met après l'heure du fajr. C'est-à-dire, je vais dormir et je sais que je vais me réveiller après le fajr, volontairement. Il dit, lui, il est sorti de l'islam. Même si tu le mets genre pour sous l'eau. Non, non, ça c'est dans le temps. Lui, il parle, par exemple, il sait que le fajr, il est là à 7h du matin. D'accord ? Il faut qu'il se lève entre 7h et 8h40, par exemple. Il lui dit, moi, je me réveille à 10h, je me lève à 10h. Tu vois ? Il dit, lui, c'est-à-dire, il sait avant de se coucher qu'il ne va pas se lever. Il veut. Et ben il dit, lui, il y a quoi. Tu vois, c'est son avis à lui. Et donc, à la maison, ils ne sont pas forcément d'accord avec lui, mais pour te dire que c'est un avis qui existe, et c'est pas n'importe qui a dit ça, tu vois. C'est Shir Ben Buzz. Pour dire que le fait de sortir ça de son temps, c'est pas une chose qui est simple. Il dit ça aussi. Ah, je savais pas. De toute façon, il a forcément un salaf. Shir Ben Buzz, il a forcément quelqu'un qui l'a dit avant lui. Et Ibn Taymiyyah aussi. S'il a dit ça, c'est qu'il y a d'autres gens qui l'ont dit avant lui. Habitat Ahmed, ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam. Ses œuvres sont effacées seulement. Le hadith, c'est pas ça qu'il dit. Parce que tu vas avoir ton acte annulé, c'est pas dire qu'il sorti de l'islam. Tu vois ? Habita Amalou, maintenant, ses œuvres sont effacées. Mais ça veut pas dire qu'il sort de l'islam. Mais selon l'avis de Cheikh Ben Baz, ça va rentrer dedans là. Après, tu rentres quand tu fais une prière. Ouais, c'est une tauba. Par rapport à ce hadith, le amel, c'est les amel de la journée. Pas par rapport à Salat al-Asr. C'est mutlaq. C'est cool. Il n'y a pas de taqid. Je n'ai pas de taqid. C'est venu. C'est pas de taqid. C'est pas pour ça que c'est le jour ou deux jours. Habita amelou. طيب السؤال الذي بعده ما ضد توحيد الأسماء والصفات donc maintenant il a dit c'est quoi qui s'oppose au توحيد des أسماء والصفات parce que l'opposé du توحيد de façon générale c'est le shirk d'accord on a tout à l'heure on s'est rappelé le توحيد الربوبية le توحيد dans la seigneurie le توحيد الألوهية Tuhid dans l'adoration. Et là, on vient de finir, Tuhid fil asma wa sifat. Le fait d'unifier Allah Azzawajal dans ses noms et attributs. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a des noms qui ne reviennent qu'à lui avec leur sens complet. Des attributs qui ne sont qu'à lui avec leur sens complet. Ainsi de suite. Donc maintenant, il dit, c'est quoi l'opposé de ce Tuhid-là dans les asma wa sifat. Diddu al-ilhad fi asma illa wa sifatihi wa ayatihi wa wa thalath anwa. Donc il a dit, son opposé, c'est Il hajj, c'est un mot dans ce domaine-là, je suis toujours mal traduit, mais on dira, c'est comme blasphémer. Le fait de blasphémer dans ses noms, ses attributs et ses versets. Et cela se fait de trois façons. Yaqul, al-awwalu ilhajj al-mushrikin al-lazina adalu bi asma illa ta'ala amma hiya alayhi wa sammuhu ou sammu biha awthanahum fazadu wa naqasu wa shtaku al-lat min al-ilah. وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزِيزِ وَمَنَّاتِ مِنَ الْمَنَّانِ Donc, première forme de blasphème, c'est celle que les mouchilikoun, ils ont faite, les polythéistes. C'est-à-dire que ils ont nommé leurs fausses divinités par des noms qui, à la base, sont dans l'Allah Azzawajal, sauf qu'ils ont rajouté ou enlevé des lettres. Mathalan, parmi leurs divinités, il y avait Al-Uzza. C'était une idole qu'ils avaient. Et Al-Uzza, c'est pris de l'Aziz. L'Aziz, parmi les noms d'Allah Azzawajal. Vous en avez une qui s'appelait Al-Lat. Et à la base, Al-Lat, c'est pris de Al-Ilah, c'est-à-dire Allah. Ils ont déformé le nom d'Allah, ils l'ont déformé, ils l'ont donné à un de leurs idoles. Kazalik, Al-Manna, ça vient d'Al-Mannan. Al-Mannan, c'est parmi le nom d'Allah, c'est celui, je ne sais pas comment on traduirait. Une personne qui a du man, c'est une personne, par exemple, quand il te donne quelque chose, il te le rappelle. Je n'ai pas donné ça, je n'ai pas fait ça pour toi. Voilà, par exemple, chez nous, c'est un défaut. Chez Allah Azzawajal, c'est une valeur, c'est un attribut de perfection. Pourquoi est-ce qu'il te rappelle ce qu'il a donné comme bienfait? Pourquoi tu ne l'adores pas? Combien de versets Allah il dit qu'il nous a créé? Il a mis la terre comme étendue, il a fait tomber l'eau du ciel, tout. Il nous rappelle, c'est bien fait. Comment après ça on peut se détourner? Donc lui il peut le faire, mais on ne peut pas le faire. Sauf dans des cas particuliers. D'accord? Il y a des cas où tu peux rappeler à quelqu'un ce que tu as fait comme bien pour une maslaha, un intérêt particulier. Par exemple, Othman, radiallahu anhu, quand les Khawarij ils ont voulu le tuer. Tu vois, il leur dit, mais j'ai fait quoi? Avant l'islam, j'ai jamais forniqué. J'ai jamais volé. Il a dit, par exemple, j'ai dépensé pour telle et telle chose. Pas pour vanter, mais pour dire, vous me reprochez quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour me tuer? Tu vois, pour bien montrer qu'en fait, vous allez vraiment me tuer de façon injuste, vous n'avez rien contre moi. Et ils l'ont tué quand même. Donc il y a des moments où tu peux rappeler une chose, quand il y a vraiment un intérêt. Mais pas comme ça, sinon ça peut annuler tes œuvres. De dire à quelqu'un, tu fais une sadaka, hey, tu te rappelles pas, je fais une sadaka l'autre jour. Là, c'est ça, d'accord, ça s'est effacé comme ça. D'accord. Mais il y a des fois, il y a des cas particuliers où tu peux rappeler un truc que tu as fait pour un intérêt général. Mais ça, c'est rare. D'accord. Comme Rothman, il l'a fait. Et ainsi de suite. Mais Allah Azawajal, lui, il n'a smé l'bannan. Celui qui gratifie et qui rappelle les bienfaits qu'il nous a donnés. Et certains, c'est pas tous. Comme encore le Ta'ala, ou n'ta'oudouni amatollah l'artur souha. Si vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah Azawajal, vous pourrez les dénombrer. Tellement sont nombreux. Allah, il rappelle ça seulement certains. Mais en vrai, il y a tellement de bienfaits. On ne peut pas les dénombrer. Mais Allah s'agit de rappel le plus important. Donc, ça c'est une forme de ilhad, de shirk dans les asma sifat. C'est le fait de faire un dérivé des noms d'Allah Azzawajal pour les créatures. Yaqul al-thani ilhad al-mushabbiha al-lazina yukayyifuna sifati Allahi ta'ala yushabbihunaha bi sifati khalqihi. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est le fait que des gens attribuent, ou plutôt le contraire, ils attribuent Allah Azzawajal à la créature. Ou le contraire, qu'ils fassent ressembler Allah à la créature. Par exemple, les chrétiens, ils le font. D'accord ? Ils font même des peintures pour Allah, Azzawajal. Vous voyez, ils le représentent carrément. Ça, c'est une chose qui est gravissime. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont comparé Allah à sa création, dans ses noms et attributs. Les Sakamis et les Ishei, ou Samir al-Basir. Il n'y a rien qui est comme lui. Il est le parfaitement audient, ou elle parfaitement le clairvoyant. Donc, Allah Azzawajal, on a des attributs dont les termes sont similaires, mais le comment est tout à fait différent. D'accord ? Allah, Azzawajal, il a deux mains. Est-ce qu'elles sont comme nous, ces mains ? Comme les nôtres ? Sûrement pas. D'accord ? Et voire même, il a deux mains droites. Le hadith qui parle d'une main gauche, c'est un hadith qui a été remis en question. Et dans d'autres hadiths, quand Ibn Omar, وَكِلْتَ يَدَيْ يَمِينَ ses deux mains sont des mains droites. Allah Azzawajal, il a des pieds. Allah Azzawajal, il rigole. Allah Azzawajal, il se met en colère. Allah Azzawajal, il aime. Vous voyez ? Mais tout cela n'est pas comme nos attributs à nous. Ce n'est pas comparable. Donc attention aux gens qui diraient que nous, lorsqu'on attribue à Allah ces attributs-là, on le fait ensemble à la créature. On dit non, c'est lui qui dit qu'il est comme ça. Donc vouloir, comme ça va être cité dans le livre, refuser cela, ça amène à quoi ? À diffamer Allah. Là, tu dis, dans son livre, il est comme ça. Toi, tu dis non, il n'était pas comme ça. C'est quoi le résultat final ? Tu démords Allah. Tu vois ? Regarde-toi, par exemple, à ton échelle, je dis, le frère, il est venu, hier, il avait un bonnet bleu. D'accord ? Non, il n'avait pas de bonnet. On te dit que le frère, il est venu, il avait un sweat à capuche gris, il avait une veste en jean, on le connaît. Si oui, je le connais, et le frère, il n'est pas comme ça. Est-ce qu'on parle de la même personne à ce moment-là ? Lui, il ne veut pas accepter. Tu vois ? Alors, imagine-toi par rapport à Allah, Allah, il dit qu'il a telle et telle chose, il dit non, il n'a pas ça. Tu vois ? Donc, ça revient, ça, c'est une chose qui s'oppose au tawhid, de l'asma wa sifat. Là, ils m'ont parlé, là, dans le ta'wil. Et aussi, une forme de que l'auteur n'a pas cité là, c'est le fait de nommer Allah Azzawajal par des noms qui ne sont pas les siens. Car là, tu le rabaisses de son rang. Allah, là, l'asma al-husna, le nom le plus beau. Toi, tu le nommes d'une façon qui n'est pas nommée. D'accord ? Par exemple, on donne souvent l'exemple, le fait de le nommer Dieu, comme ça. Dieu, ce n'est pas un nom d'Allah. Dieu serait une traduction, on va dire, en réalité, serait le Dieu de Allah. Donc si quelqu'un te demande, ça veut dire quoi Allah, tu peux le dire, ça veut dire le Dieu, la divinité. Mais tu ne nommes pas comme ça après, tu ne dis pas, ouais, Dieu il a fait, Dieu il dit, non, dis Allah il a dit, Allah il a fait, Ar-Rahman il a fait, Al-Aziz il a fait. Quand tu donnes Dieu dans la tête des gens, pour eux, ils en font un nom propre, ça y est, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça peut être aussi au pluriel, on peut dire les dieux. Exactement, parce que sa nom il est imparfait. Alors que Allah, tu ne peux rien faire. Tu vois ce que ça veut dire ? Donc quand on parle de lui, on doit avoir un respect. On le nomme comme Allah Azzawajal, c'est nommé lui-même. L'exemple que je donne souvent, toi par exemple, je t'appelle Adil. Ça veut dire quoi Adil ? En arabe. C'est une consonance de justice. Juste. Équitable, juste. D'accord ? Lakin, ça s'appelle comme ça. Imagine demain, les gens t'appellent tout le temps, hey, juste, viens voir. Salam alaikum, il est juste, ça va ? T'as fait quoi hier ? Ah, tu veux dire, il se moque de toi. N'est-ce pas ? T'as un nom dans une langue et les gens le traduisent et t'appellent comme ça. Tu veux l'accepter ? On se moque de toi pour toi. Taqif lillah azawajal, on se permet de le faire. Et comme je dis souvent, Allah azawajal, tu peux aller dans n'importe quelle partie du monde, tout le monde connaît le mot Allah. Tu vas en Chine, tu dis Allah, ils savent. Tu vas au Mexique, tu dis Allah, ils savent. Tu vas au fond de l'Afrique, tu dis Allah, ils savent. À part peut-être des tribus dans les... Tu dis Dieu, va au Mexique, dis Dieu, il va dire. Hein? Va au Thaïlande, dis Dieu. Viens. Tu dis Allah, il va savoir de qui tu parles. Donc c'est quoi en fait, le plus connu des deux ? C'est Dieu ou c'est Allah ? Là, pourquoi on dit Dieu ? Les gens disent, ouais, les gens ne savent pas, ils savent très bien les gens. Pourquoi les gens sont imbéciles ? Et les ulama disent que le nom le plus connu dans l'humanité, c'est Allah. De l'aube des temps jusqu'à la fin des temps, le nom le plus connu, c'est Allah. Ça va le soir. Ça va avec. Ça va, Tom ? يكون أعرف المعارف على الإطلاق le nom le plus connu dans l'absolu chez l'humanité, hein, c'est pas chez les musulmans, c'est le mot Allah. Dans le bon sens ou le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde sait ce qui est Allah. Quand nous on parle d'Allah, ils savent qu'on parle de qui? Du Créateur. Maintenant qu'ils y croient ou ils y croient pas, ça c'est autre chose. Mais quand on parle de lui, ils savent de qui on parle. C'est-à-dire qu'ils savent c'est qui. Maintenant, est-ce qu'ils savent qui il est tel qu'il s'est décrit? Non. Même chez nous, il y a plein de musulmans, plein d'attributs, ils ne connaissent pas. Les noms, ils ne connaissent pas. Ils ne réfléchissent même pas. Comme là, on en parlait, tu vois. Même nous-mêmes, on dit ça, on est les premiers. Si vraiment on réalise les noms d'Allah Azzawajal sur leur réalité comme ils sont, mais après, on serait en pleurs tout le temps. Tu vois. On serait dans une situation qui serait. Les gens disent, t'es pas humain, toi. Tu vois. C'est-à-dire, notre ignorance, quelque part, elle nous préserve d'une chose qu'on ne pourrait pas supporter. T'as même Tom? Donc, parmi les choses qui s'opposent à ce tawhid, c'est le fait de nommer Allah Azzawajal par des noms qui ne sont pas les siens. Et nous, en France, souvent, c'est Dieu. Et tu rappelles le musulman quand il parle d'Allah, il dit Dieu. On dit Dieu, ça n'a rien de dire Dieu. Quand tu fais ça, tu as un akas nishan illa Azzawajal. Ma qadallahu haqqa qadarihi. Donc, pas estimer Allah, c'est juste valeur. Tu vois. Tu n'aurais pas que si tu confesses ça avec ton père, ou avec ta mère, même avec toi. Comment tu fais avec Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, Allah, on le nomme par ses noms. Quand on l'invoque, on l'invoque par ses noms. Et même quelqu'un qui ne parle pas l'arabe, il y a plein de noms d'Allah, il peut les dire, s'il veut. C'est pas difficile. Déjà, Allah, tout le monde sait le dire. Tu vois. Après, il y a d'autres noms, au fur et à mesure, les personnes les apprennent. Tu as des noms qui peut-être sont durs à prononcer au début, mais tu as des noms que tout le monde connaît. Et ensuite, il parle de secte. Yaqul ilhad al-nufat al-mu'attila. C'est le blasphème de ceux qui ont récusé, qui refusent ces noms. Ils sont de deux sortes. Ça s'appelle mu'attil. Mu'attil, c'est celui qui supprime, en fait. C'est-à-dire que eux, nommer Allah par ses noms ou attribuer ou affirmer ses attributs, pour eux, ça implique le faire ressembler à sa créature. Directement. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'est eux qui ont justement fait ressembler à la créature. Directement. Pourquoi il y en a qui disent, ouais, dis pas qu'elle a des mains. Je dis pourquoi? Parce qu'il ressemble à la créature. C'est-à-dire que toi, en fait, quand on a dit qu'elle a des mains, dans ta tête, tu t'imagines une main et t'as eu peur, t'as dit non, il n'y a pas de main. Donc c'est toi qui as imaginé une main. Nous, on n'a pas imaginé une main. Tu vois. Donc c'est toi, en fait, l'anthropomorphiste, en réalité. Moi, là, il dit qu'il a des mains, je ne cherche pas à savoir comment elles sont ses mains. Mais je les affirme. Toi, pour que tu dis non, c'est que tu as imaginé. Et une fois que tu as imaginé, tu as que c'est pas possible, tu as dit non, il n'a pas de main. Et soit tu as dit il n'a pas de main du tout, ou soit alors tu as interprété ses mains par un autre mot, comme la force, comme le bienfait ou autre. Dans le Coran, il dit bien Bel yadahu mafstotan, yun fiku kefe yasha. Et plutôt, ses deux mains sont grandes ouvertes, il dépense comme il veut. Le verset est wadih. Il y a plein de versets qui viennent voir là, il dit bien qu'il a deux mains. On ne va pas s'interpréter par ci, par cela. C'est comme ça que c'est venu, on y croit. Le Nabi Salam, il disait souvent Wallazi nefsi biyadi, celui dont mon âme est dans sa main. Le Nabi Salam, il ne sait pas ce qu'il disait. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Les Sahaba, il ne sait pas ce qu'il disait. Aujourd'hui, on va arriver, on va interpréter nous, on a mieux compris qu'eux. On dit, faut s'arrêter, comme on l'avait dit l'autre jour. La règle, rapporter l'imam Malik. Vous voyez? Skorna? Zakirna bil jumla? L'imam Malik, qui a été rapporté le plus loin de la main par rapport à l'estiwa. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh! Al-Ma'na. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب نعم quand il est interrogé à propos de l'élévation d'Allah Azza wa Jal en arabe on appelle ça istiwa a traduit est-ce que tu te rappelles l'istiwa le fait que Allah soit élevé au sud du trône dans le ders on a dit qu'est-ce que les ulama ils ont dit par rapport à ça c'est une phrase c'est une règle générale qui a été appliquée pour l'istiwa mais en vrai elle marche pour tous les sens sifat. Quand on parle d'un attribut, ils disent le sens, il est connu. Le sens, quand tu parles de ce mot, je sais ce que ça veut dire. Mais le comment, on l'ignore. Et la question à son sujet est une innovation et on doit y croire obligatoirement. Donc on prend l'exemple de la main. C'est ce que ça veut dire une main. C'est ce que ça veut dire une main. Taïeb. Cependant, la main dans l'Azza wa Jal, le comment, on l'ignore. Quand on me dit main, je sais ce que ça veut dire une main. Le comment, je l'ignore. Et je ne cherche pas comment à le connaître. D'accord? Et j'y crois, obligatoirement. Si Allah l'a dit, j'y crois. Et interroger au sujet du comment, ça, c'est la bira. D'accord, en gros, on ne dit pas comment pour celui qui a créé les comment. On cherche pas de comment Allah, on pourra pas. Tu vas te perdre, tu peux pas. Il a dit, il est. Ouais, c'est tout. Ça, c'est les choses sur lesquelles on se soumet, on ne parle pas, on ne discute pas. Tu vois. Et celui qui veut aller trop loin, c'est l'orgueilleux. Il veut se comprendre ce qu'il ne peut comprendre. C'est-à-dire, même toi, là, tu n'as pas créé pour que tu puisses savoir dans ta tête ce genre de choses. Comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui va dans l'eau, il ne peut pas respirer. Ah là, tu n'as pas créé pour être dans l'eau. Tout comme tu n'as pas créé pour que tu puisses savoir le comment de ses attributs. Il a un comment. Mais ce comment-là, on l'ignore, on ne peut pas le concevoir, là, maintenant. Mais un jour, les croyants le verront de leurs propres yeux, au Yawm al-Qiyam et au Jannah. Ils le verront. Mais là, ce bas monde, on peut pas le. C'est inconcevable pour nous. C'est-à-dire, même physiquement, on ne peut pas le concevoir. Vous voyez ? Donc, celui qui va s'y aventurer, il va se perdre. Et il se met à une place qui n'est pas la sienne. C'est pour ça qu'il y a des divergences entre certaines branches en islam. C'est par rapport, des fois, à ce genre de sujet, comme par exemple la sourate Ayat al-Kursi, quand il dit son trône il déborde des cieux et la terre. Mm-hmm. T'en as, ils vont dire, oh, ils vont chercher un comment. Voilà, ils vont exactement. Voilà. Et du coup, ça crée des branches, des divisions. Par contre, je te corrige sur un truc. Le Kursi, c'est pas le trône. C'est la chaise. Ouais, ouais. C'est le marchepied. D'accord. En fait. Et le marchepied, par rapport au Kursi, c'est comme une pièce dans le désert. Le marchepied ouais. Par rapport au trône, au arche, est l'équivalent d'une pièce dans le désert. Alors imagine-toi la tâche de arche. Donc, et Allah il dit Allahu Akbar. Et Allah il est au-dessus de tout cela. Il est plus grand que tout cela. T'arrives à le concevoir ? Alas, on s'arrête là. Juste on a compris. Si on a compris, ça devrait nous suffire à nous, tu vois, à nous remettre à notre place. Voilà. Donc, on disait les Mu'attila. Ce sont des sectes qu'on va trouver aujourd'hui, elles sont de trois branches principales. La première, c'est le Jahmiya. On ne va pas citer leur histoire, on va juste citer par rapport à ce dernier, son résumé. Le Jahmiya, ce sont ceux qui refusent les noms d'attributs. Pas l'absolu. On n'aime pas Allah par ces noms-là. Non. Après, tu as les Mu'tazila, qui affirment le nom, mais refusent l'attribut. Ils vont dire Alim bila ilm, Rahman bila rahma, Kawi bila kuwa, c'est-à-dire miséricordieux sans miséricorde. Omniscient sans savoir, vivant sans vie, fort sans force. Pas un calme qui est absurde. Et t'as les Asha'ira, sont ceux qui attribuent, qui affirment les noms, mais les attributs, ils les interprètent. Ils vont dire, oui, l'attribut est là, mais cet attribut, il veut dire telle et telle chose. Ils vont dire la main, oui, Allah a dit qu'il a une main, mais la main, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire, la main, ça veut dire, comme on dit tout à l'heure, la force, par exemple, ou le bienfait. Tu vois, ils vont affirmer le terme, ils vont changer le sens. Et tout cela, ils rentrent dans ce qu'on appelle le Mu'attila, ceux qui suppriment les attributs, en fait. Il y en a, c'est dans leur totalité, et non, c'est partiellement. Mais en réalité, quand tu dis qu'Allah, sa main, c'est la force. T'as supprimé sa main, en fait. L'attribut de la main, tu l'as supprimé. Donc, tu reviens un petit peu au même niveau que le premier, sauf que toi, t'es arrivé avec un truc, on va dire, moins effrayant de des gens. Mais toi-même, tu ne crois pas qu'Allah, il a une main, au sens qu'on le connaît. Il va dire non. Bah donc, t'as annulé cet attribut. Donc t'es un Mu'attil. En arabe, ça s'appelle Mu'attil. Donc tous ces Mu'attil-là, selon certains, ils sont plus, on va dire, plus directs que d'autres. Ils vont dire non. Ni main, ni rien du tout, il va dire. L'autre, il va dire, si, main, mais ça veut dire telle et telle chose. D'accord ? Et les gens de la Sunna, eux, ils affirment tout ça. Les attributs tels qu'ils sont venus, sans interpréter, sans supprimer, et sans chercher un comment, et en sachant qu'il n'y a pas d'équivalent. Ça, c'est, on doit vivre là-dessus. Obligatoirement, si on va se perdre. Et tu verras, quand tu vas parler avec les koufars, eh ben, les attributs d'Allah Azawajal, ils accordent à la créature. Les choses qu'Allah Azawajal, seulement celui, lui peut faire, ils vont le donner à des créatures. Par exemple, c'est qu'il avait dit tout à l'heure, superstition. C'est toi qui as parlé de superstition tout à l'heure. Ils vont donner des attributs à des choses, elles apportent la chance, ou elles apportent la poisse, ou elles protègent du malheur. On dit non, ça, c'est que Allah qui peut le faire. Donc, tu as donné un attribut d'Allah, à ce trèfle à quatre feuilles. D'accord ? Un exemple qui arrive ces jours-ci, que beaucoup de gens n'ont pas réalisé la grandeur, la gravité, le Père Noël. Le Père Noël. L'enfant, tu lui fais croire quoi ? Que le Père Noël, il t'entend. Donc, tu lui attribues l'attribut de l'ouïe parfait, que même il est ailleurs, il t'entend. Il n'y a que Allah qui peut faire ça. Et qu'en plus, il y a le zokok. Il te prend ta substance. Il n'y a que Allah qui peut le faire. Donc, tu dis Père Noël, donne-moi ça. Il ne va rien donner, il n'existe pas. L'enfant, on lui fait croire qu'il y a un bonhomme qui existe dans le ciel, tout le monde il t'entend, d'une ouïe qui est parfaite, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il t'entend, il entend tous les enfants qui lui demandent en même temps, et en une nuit il descend dans le monde entier pareil, et il donne ce que tu lui as demandé. Ça, c'est des attributs de qui ça a donné à ce niveau-là. C'est Allah Azzawajal. Hadafi Rububiya, dans la seigneurie, ça. Et le fait qu'il entend le Père Noël, là, soi-disant, et qu'il répond à ta demande, et qu'il a le potentiel de donner tout cela, ça, ce sont des attributs qui viennent d'Allah Azzawajal. Donc, depuis petit, regardez l'enfant, après le shirk. Depuis petit, l'enfant, à la base, il n'est qu'il sait qu'il est un seigneur. Et ça, si tu laisses l'enfant grandir, il va dire c'est pas possible. Mais on lui apprend ça depuis petit. On le corrompt depuis son enfance. Donc après, que dire de ce qu'il va dire par la suite? Tout ce qu'il apprend comme shirk à travers les dessins animés, à travers les chansons, à travers les jeux qu'il apprend. Et un jour, le shirk, c'est rien pour lui. Il va y avoir d'autres choses qui sont graves, graves. Mais le shirk, alors vous allez trop loin, vous avez trop. Bien. Ah, ça, c'est la pire chose. Des fois, souvent, je parle avec mes parents, avec ma famille, tu vois. Je dis, oui, on fait pas ça. On vole pas. On tue pas. Tu vois, vous invoquez les saints. Oui, mais, je lui dis, ça c'est pire que tu es, pour Allah Azzawajal. Et ça, ils comprennent pas, ils réalisent pas ça. Cette chose qui, si elle nous dit dans vos yeux, si simple, c'est la pire des choses que vous faites. Et je dis, même votre livre, la Bible, ils n'enseignent pas à faire ça. Tu vois? Et pourtant, ils restent accrochés à ça. C'est rien. Non, c'est immense ce que vous faites. Vous pensez que c'est rien? C'est le pire des péchés. Et ça, ils n'arrivent pas à assimiler ça. Donc, on disait au début, c'est ça la différence entre nous et eux, c'est Tawhid. Dans l'adoration, qu'ils invoquent autre que Allah. Leur tawakkul, que nous on a la confiance et la place, eux, autre que Allah, dans les causes, dans plein de choses. Ils ont peur d'une peur de choses que cela là peut les atteindre avec. Ou ils ont des espoirs dans les créatures de choses que cela là peut leur donner. Donc, les attributs d'Allah, ils les mettent sur la créature. Vous voyez? Les koufars, ils ont tout ça. Ils attribuent à la créature des choses qui reviennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et du matin au soir, vous allez voir. Du matin au soir, ils font du shirk. Et il y en a parmi nous, ils font attention. Et d'autres qui sont inattentifs. On a fait du shirk devant toi, on n'a même pas fait attention. Tu vois? Ouais, des fois, ils disent des paroles. Et tu fais pas attention, après tu réfléchis. Mais attends, il a dit ça, l'autre. Ça veut dire ça et ça et ça et ça et ça. Ou un jour, il fait pas attention. Il entend un ders. Ou on cite l'exemple, il dit, mais mon collègue, il y a une semaine, il a fait ça. Il a fait du shirk. Il fait ça tous les jours. Il fait du shirk tous les jours. Et après, il réfléchit. Mais attends, ça veut dire que ça et ça. Et là, il réalise. Il prend conscience de la chose. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître et à apprendre. On a été créé justement pour ça, pour unifier dans l'adoration. Donc, c'est-à-dire que ces sujets-là, ils soient clairs pour nous. Clairs. Question sur, du coup, ceux qui interprètent les attributs d'Allah, etc., ces sectes-là, elles sont considérées comme des sectes égarées ou ils restent musulmans ? Les Jahmiyyah, ceux qui ont tout annihilé, eux, c'est les koufars. Et t'en as, ça dépend de leur degré. Mais les Jahmiyyah, les ulama disent, eux, c'est les koufars. Par exemple, en cette époque, on a les Ahbesh qui rentrent dans ce bébé-là. Ils ont un côté Jahmiyyah et un côté Mu'tazila et un côté Asha. Ils réunissent ces trois en eux. D'accord? Si demain, tu dis qu'Allah l'a demain, ils disent, ça t'a mécrit en direct. Pourquoi? Parce que t'as fait ressembler à Allah sa création. Direct. Ils disent, on fait la shahada tout de suite. Mais eux, c'est là où ils divergent avec la sourate et la kursi. Il y a eux, il y a d'autres. Mais ils divergent surtout eux. Ouais. Tu vois? Ces gens-là. Ils sont considérés comme koufars ou pas? Ah, c'est l'Arbesh, c'est les Jahmiyyah, c'est les koufars. Tu vois? Ils croient, eux, ils adorent le néant, en fait. Ce qu'ils adorent, c'est le néant. C'est pas Allah, Azzawajal. Dis, j'adore Allah, quand tu le décris, dis non. Ben, je sais pas qui t'adore, mais c'est pas Allah, Azzawajal. Quand tu dis, le jour où on a parlé, Allah, il est où? Non, dis pas où. Pourquoi? Le où, c'est un lieu, le lieu, c'est la création, c'est-à-dire qu'Allah est dans la création. Je dis non. T'es parti trop loin. Non, ils disent qu'il est nulle part, justement. Ils disent qu'il est nulle part. Il n'a pas de lieu, tu vois. Parce que pour eux, un lieu, c'est une direction. La direction, c'est une création. Tu vois, on dit non, ça vous rentre dans comment, là. Tu vois, Allah, l'Nabi Sallam, il a interrogé, où est Allah? Moi, je veux dire que ce l'Nabi Sallam, c'est n'importe quoi. L'Nabi Sallam, il a demandé à sa servante, Allah, il est où? Elle a dit, fils Sama. Il a dit, les Bala, c'est une croyante. Toi, tu dis non. Ça veut dire que t'es quoi, alors? Ça veut dire que t'es pas un croyant. Est-ce qu'il demande des choses à Allah? Qui? Oui, ils invoquent. Bah donc c'est contradictoire ce qu'il dit, parce qu'ils demandent des choses. Ça, mais Allah, ils auront toujours des contradictions. Par exemple, tu leur dis, est-ce que l'Allah existe? Ils vont dire oui, moi aussi j'existe. Alors comment on fait? Dis, est-ce que l'Allah il sait? Ils disent, non, moi aussi je sais. comment on fait? Ben, comme tu as attribué à Allah le savoir ainsi qu'à moi, et tu sais que mon savoir est limité, sache que là, la telle attribut, moi aussi je l'ai, c'est limité. Agis, dans tous les attributs, t'agis pareil. T'agis pareil. C'est pas avec un attribut comme ça et un autre, non, ça va pas. T'agis avec ça, avec le savoir, t'agis avec la main pareil. Tu agis comme ça avec la vie, tu agis comme ça également avec les yeux. Ou tout attribut. Même s'il te paraît, au premier abord, étrange, t'agis pareil avec tous les attributs. Il n'y a pas de différence dans les règles par rapport à ça. Non, aujourd'hui, on a pris un peu plus long, s'il y a eu des questions. Normalement, les questions, on les pousse à la fin, mais bon. Quand elle a ma chafa'al. T'as une actafi bien de cadre. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك